来啲说，我整咗西岭鸡同埋炒饭。咁西岭鸡其实唔难整嘅，最烦咧就系炸嘅时候咧要用好多油啦。咁好多谢 好 多人啦。 La réalité, l'imaginaire, c'est la même matière. J'ai préparé des lasagnes pour tout le monde, normalement avec de la salade verte, mais j'ai oublié d'acheter la salade, donc ça sera juste des lasagnes. Et pour bien terminer, un gâteau au chocolat. Mais oui, mais la choucroute, on aurait pu en prendre plus. C'était quel jour ? C'était aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. Choucroute garnie. Choucroute garnie, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais les premiers seront servis. Et les derniers, bah, ils débrouilleront. C'est fou la distance avec le continent. À marée descendante, ça fait des bancs de sable. Et en fait, tu peux aller très loin. Vous voyez, c'est protégé. Avec des animaux sauvages encore. Ah, ça, c'est une crépidule, ça. Oui, il s'enroule pas vraiment, mais on dirait plus un bivalve, mais il y a ça dedans. Il se colle sur les autres coquillages et sur les rochers. Il y a curry rouge de crevettes au lait de coco, avec du riz. Il faut prendre du sable, des cailloux. Il faut mettre, faire un rentrer avec nos pieds, après faire des murs. Mon dessert, c'est des œufs au lait, mais en fait non, parce que tout le monde a pris mes œufs, donc j'ai plus d'œufs, donc il ne reste que le lait, donc il n'y aura pas de dessert, voilà. On va faire une piste, et après on va faire une grande montée, pour que après le dragon il saute dans le vide quand il a beaucoup d'élan, et du coup bah, ses ailes vont se déplier et ça va faut dégager le passage, parce que si le dragon s'entrave, c'est mort. Il va courir à 100 km à l'heure et sauter et déplier ses jambes. Des petits feuilletés de coquilles Saint-Jacques, des petites bouchées. Après, il y a de la polenta au parmesan. Ils peuvent trancher une forêt entière avec leurs ailes quand ils volent à toute vitesse. Des bénises au citron et au gingembre. Descendre en super vitesse de plus de 200 km à l'heure et remonter à une vitesse de 1000 km à l'heure, c'est qu'il lui fait une chose comme la vitesse lumière. Baby, je suis touché. Deuxième service, goûter à part. Goûter à saucisse. Je viens d'apprendre qu'il fallait faire une partie piquante pour ceux qui aimaient s'enflammer. Il y a une poche dans leur bouche, sur leur joue, et qui, là, les bébés rentrent dedans et ils sont protégés. Et le soir, un repas cambodgien avec une soupe et nouilles sautées. Au radis blanc, nouilles sautées. Et aller à une vitesse pour exploser des bâtiments énormes de plus de 20 mètres de haut. Dessert. Il crache du gaz mortel. Dessert cambodgien. Donc pas de dessert. Quand une des têtes crache du gaz, et bien l'autre va allumer des étincelles pour que le gaz explose. Voilà, on y va. L'avion ? C'est qui veut monter dans l'avion là ? Alors, j'avais beaucoup de devoirs. Des couchettes de soya, des couchettes de soya. Je vais lire de Molière. Je devais dire quoi encore? Deux fois il y a des arcs-en-ciel. Je sais plus ce que je devais lire. Maman, j'ai lu. Mais il est bleu le ciel. Il est orange. Il est blanc. Ah, le donjon. C'était trop long et trop ennuyeux, mais je l'ai lu parce que maman. C'est un endroit un peu magique. C'était un vœu et le vœu a été réussi. Oui, tout à fait réussi. Je l'affirme. Plus de frontières. La réalité et l'imaginaire. C'est la même matière. Hiya, yorokonde.